Chapitre 11e. Indigènes, mœurs et coutumes. Le district de Berezov a une étendue de 3000 km. À l'est, il touche à la gouvernie de Yeniseïsk, au sud, au district de Tobolsk, à l'ouest, à la chaîne des monts Ouraliens, et au nord, à l'océan glacial. Eh bien, cette immense étendue de pays compte à peine 15 000 habitants. Aussi, les champs sont incultes, l'agriculture est nulle, et on regarde comme une rareté les choux, les radis, les navets qu'on cultive à Berezov seulement. Mais les chaleurs sont si violentes, et elles ont si peu de durée, que les légumes ne peuvent pas arriver à maturité. Cette grande ressource du pauvre, les pommes de terre, sont presque inconnues dans ces contrées. La population est loin d'être homogène. Elle se compose d'éléments divers dont l'origine remonte à la conquête de Yermak, qui jeta dans le pays une foule d'aventuriers. On voit jusqu'à des Kalmouks venus des frontières chinoises. Les Cosaques sont indolents, paresseux. Leur fonction leur impose peu de devoirs, et ces devoirs leur pèsent. Leur existence oisive a développé chez eux une faiblesse de caractère dont on ne peut se faire une idée. Ainsi, j'ai vu des jeunes gens de 20 ans qui pleuraient comme des enfants parce qu'on leur avait servi le thé un peu plus tard que de coutume. Inhabile au travail, adorant par-dessus tout le farniente, la population se nourrit de gibier et de poissons, pour n'avoir pas la peine de cultiver les champs. Quant à l'argent, il vient par le trafic et le négoce. Les Berezoviens vendent des fourrures aux Ostiaques que ceux-ci payent très bien. 22 juin. Quel triste et cher anniversaire! Il y a aujourd'hui 10 ans que ma fille aînée est venue au monde. Un abîme me sépare de cet être adoré. Que Dieu protège ma Pauline! J'ai prié pour elle en m'éveillant. La Providence avait comblé mon enfant, qui est bonne, intelligente, vraie, soumise, tendre pour sa mère. Il a fallu quitter ce trésor, et c'est elle qui entre à peine dans la vie et qui a mission de me remplacer auprès des miens. Je voudrais être seule. Je serais plus encore avec ma fille. Rien ne se placerait entre elle et ma pensée. Mais le hasard en a disposé autrement. Toutes mes connaissances semblent s'être donné le mot pour m'envahir. Ici, on ne peut pas défendre sa porte. 1er juillet. L'océan glacial nous envoie des bouffées de vent qui ont chassé les cousins, mais les moucherons tiennent bon et sont presque aussi insupportables. Malgré cela, nous avons fait une excursion en forêt et sur les bords de la rivière. Nous avons visité, autant que cela se peut, les huttes des Ostiaques. Le peu qu'il leur faut pour vivre sera toujours pour nous, Européens, un perpétuel étonnement. Les Ostiaques vivent et meurent dans ces huttes infectes, et nous, malgré l'intérêt de curiosité, nous ne pûmes rester plus d'une minute dans ces habitations qui répandent des miasmes putrides. On le comprendra quand je dirai que les Ostiaques ont pour premier vêtement une couche de graisse rance qui recouvre leur peau et par-dessus une peau de renne. Ils mangent tout cru, poisson ou gibier. C'est leur nourriture ordinaire. Mais de temps à autre, ils viennent à Berezov, munis de grands seaux d'écorce d'arbre, pour recueillir le rebut des cuisines dont ils font leur délice. 6 juillet. Depuis mon arrivée, les navires ont apporté 3 fois des lettres, mais hélas, il n'y en avait pas pour moi. Ma famille sait-elle où je suis, si j'existe encore? Je profite de toutes les occasions pour écrire, mais je ne reçois aucune nouvelle. Mes lettres sont-elles parvenues à leur destination? Une chaleur lourde, sans le moindre souffle d'air, a été le précurseur d'un orage épouvantable. La foule grondait, les éclairs sillonnaient les nues, puis des trombes d'eau se sont abattues sur la ville. Après un coup de tonnerre qui avait fait trembler les vitres de la maison, notre hôtesse et tous ses enfants sont entrés chez moi effarés, terrifiés, et venant demander à la Sainte Vierge et aux saints de les préserver de la foudre et de l'incendie. Toute la famille se prosterna la face contre terre et pria ensuite à haute voix. Moi, je suis demeuré calme et résigné. Rien ne peut plus m'émouvoir. 11 juillet. Nous avons reçu une invitation de Monsieur le maire, qui réunissait une nombreuse compagnie pour célébrer la fête de sa femme. Grâce aux habits de Madame X, nous nous sommes tenus dans la limite des convenances. L'usage ordonne ici qu'on se fasse attendre, on ne doit se présenter qu'après une seconde invitation. Donc, à 7 heures du soir, un envoyé est venu nous solliciter de nouveau au nom de Monsieur le maire. Nous nous sommes fait encore attendre, la mode l'exige, mais à 10 heures, nous entrions dans les salons de l'autorité du lieu. La réunion était nombreuse. Dans la première pièce, les hommes jouaient au Boston et buvaient beaucoup de punch. Les femmes, dans leurs plus beaux atours, étaient parquées dans la seconde pièce. La coiffure indique à quel rang de la société on appartient. La classe privilégiée porte des bonnets très richement ornés. La classe inférieure porte des fichus assez artistement chiffonnés. Mais, malgré ces distinctions extérieures, il y a une égalité réelle entre tous les individus. Cette égalité ne consiste pas, comme en Europe, en de vains mots, en de ronflantes déclamations. L'égalité ici est simple, vraie, c'est un fait dont personne ne doute et auquel personne ne réfléchit. On avait placé devant le canapé une longue table couverte de dragées, de gâteaux, de fruits confits et de noix de cèdre. Cette collation, pleine de luxe et de délicatesse, était réservée pour les dames. Plus tard, on apporta le thé, plus tard encore le café, mais le café est un raffinement dont on n'abuse pas. Voici la façon dont on le prépare. La veille, on le fait bouillir pendant un certain temps, puis le lendemain, on le fait bouillir dans le samovar et on y ajoute de la crème froide. Cette préparation ne sent pas précisément le café, mais elle n'est point désagréable. Les femmes jouent volontiers au Boston. Celles qui n'aiment pas le jeu grignotent des noix de cèdre pendant toute la soirée. C'est leur passe-temps, leur seul divertissement, car on ne cause pas. À minuit, nous voulions partir, mais le maître de la maison nous dit qu'il ne le souffrirait jamais parce qu'on allait servir le souper. À 2 heures du matin, on s'est mis à table. Tous les mets étaient froids, sauf un plat de pirogui. Il y avait je ne sais combien de langues de bœuf et de renne, préparées de différentes manières et ornées de feuillages, de fleurs et de tranches de citron. Puis, des jambons marinés de Tobolsk, des cochons de lait et des oies grasses. Après ce premier service, il y en eut un second composé de côtelettes et de gibier de toutes sortes, assaisonnés au sucre, aux oignons et aux pruneaux, horrible assemblage qui nous donnait des nausées. Mais les Bérézoviens ne sont pas si difficiles et ils ont dévoré ce second service comme le premier. Ce n'est pas tout. Il y avait un troisième service dont le plat du milieu était un veau rôti flanqué de pièces de gibier rôti aussi. Ce n'est pas tout. Le quatrième service ne se fit pas attendre, mais celui-là était plus modeste, une bouillie de riz nageant dans une sauce blanche. Le cinquième service était plus réconfortant. Il se composait de gelée entourée de sauce au vin parfumée au girolles, puis des gâteaux secs. Ce repas homérique était destiné à 50 personnes tout au plus. Je pensais, en voyant cette abondance, ces excès, ces prodigalités, que les derniers services seraient enlevés intacts, mais j'avais compté sans les estomacs bérézoviens. Tout disparut, tout fut englouti, et personne ne paraissait souffrir du travail de la digestion. Au moment où nous voulions nous retirer, la maîtresse de la maison s'empara d'un plateau chargé de petits verres. Puis elle offrit à toute la compagnie un vin doux, mousseux, fait avec du jus de framboise, de groseille, du sucre et de l'eau-de-vie de France. On nomme cette boisson apogard. Cette distribution est le signal tacite du départ, que tout le monde exécute à la fois sans prononcer une parole. 13 juillet. Aujourd'hui, j'ai assisté à mariage. Voilà comment procède à la cérémonie nuptiale. Ordinairement, le jeune couple se rend à pied à l'église, mais, par exception, la fiancée était placée sur un char recouvert de tapis et traînée à bras. Le fiancé l'avait devancée à l'église, et à l'approche du cortège, il sortit pour aller au-devant de sa bien-aimée. Ils s'embrassèrent plusieurs fois, puis ils s'approchèrent d'un autel élevé au milieu de la nef. Le prêtre lisait les prières dans un missel, et le sacristain chantait à haute voix les devoirs du mariage. Les époux ne se font point de serment, ils ne se promettent pas de s'aimer. Ils échangent des anneaux, et après ce doux échange, l'époux pose la couronne de fleurs symbolique sur le front de l'épouse. Ensuite, le jeune couple fait 3 fois le tour de l'autel, puis on s'embrasse encore, et la cérémonie est terminée. En revenant de l'église, j'appris la mort de Séverine Krizanovski, décédée à Tobolsk, le 13 juillet. Paix aux cendres de ce grand citoyen, honneur à sa mémoire. Que Dieu reçoive dans sa miséricorde ce martyr de la cause nationale. 20 juillet. Enfin, je reçois des lettres. J'ai là devant moi une lettre de ma fille. Je l'ai reconnue bien avant de rompre le cachet. On ne sait pas l'émotion que cause une lettre à une pareille distance et dans ma position. Je suis folle de joie et je pleure. Mon adorable enfant va venir me rejoindre. Puis-je accepter ce sacrifice? Dois-je refuser cette consolation? D'autre part, on m'engage à détourner Pauline de son projet. Que dois-je faire, grand Dieu ?